Les filles s'assument, aujourd'hui elles fument. C'est dans l'air du temps, elles se font des tatouages, des piercings au visage. C'est dans l'air du temps, elles refont leur poitrine, font souvent des régimes, suivent assidûment la méthode du camp. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps. Les filles se parlent des heures sur leur portable. C'est dans l'air du temps, elles parlent de tout, non plus de tabou. C'est dans l'air du temps, elles revendiquent et font de la politique. Ne sont pas des potiches, aujourd'hui elles s'affichent. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps. Indépendantes ne veulent plus qu'on leur mente. C'est dans l'air du temps, elles sortent la nuit, profitent de la vie, ensemble elles se marrent comme les garçons dans les bars. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'air.